Maria Lisboa pela primeira vez em Orleans com seus bailarinos é no dia sábado, 9 de novembro, na Sala Montição, em Saint-Jean-Blanc, uma festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel. A Maria não vai com todos, mas nós podemos ir ter com ela, não é? Então contamos com vocês. Arc-en-Ciel, bonjour, il est tout juste 9h sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Jean-Pierre avec vous en ce lundi 21 octobre. Et j'espère que vous avez passé un excellent week-end sous la pluie, certes, mais un bon week-end. Enfin, la semaine démarre également un peu sous la pluie, un peu moins de pluie aujourd'hui, mais bon, il fait gris. Mais le soleil, je crois, revient demain. Donc, on va attendre patiemment demain pour profiter à nouveau de quelques rayons de soleil. J'espère en tout cas que vous avez passé une excellente matinée. Avec un radio arc-en-ciel, ça y est, je cherche mes mots, ça y est, ça commence, ça bug dès le matin, c'est pas bon. Donc j'espère que vous allez passer une agréable matinée en ma compagnie jusqu'à midi. Vos dédicaces au 02 38 43 48 00, 02 38 43 48 00. Je vous rappelle que c'est vous qui composez cette émission, vous composez, hein, 02 38 43 48 00. Vous demandez vous faites votre dédicace, vous demandez votre chanson et elle passe à l'antenne dans la mesure du possible. Vous pouvez également faire vos dédicaces sur internet en tapotant tout simplement JP Martins. Et puis aux alentours de 10h, j'aurai un invité, j'aurai Théo qui a participé à The Voice. Donc Théo qui sera le temps que je me remette, voilà, sur la bonne page. Théo qui a participé à The Voice Kid 4 et qui sera mon invité tout à l'heure aux alentours de 10h, et on parlera avec lui justement de son single qu'il a sorti en hommage à Grégory Le Marchal, et puis voilà, de son actualité et de ses projets. Mais ce sera tout à l'heure aux alentours de 10h. En attendant, place à la musique avec Rui Bandeira qui va nous interpréter. Qu'est-ce qu'il va nous chanter, Rui Bandeira? Vamos que ser là. Et il la chante en duo avec Zé Amaro. Vous êtes sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi. C'est vers matin. Et ça se passe sur le 96.2. Juras de amor e beijos que trocamos. Eu pensava que era feliz, mas um dia então descobri as mensagens que dele recebias só falavam de amor. Não vou negar que também ainda penso nela. Lembro noites de loucura e puro prazer. Mas agora sei que era mentira tudo que o seu olhar dizia. Já havia outro em meu lugar, o meu melhor amigo. Vamos esquecê-la em nome da nossa amizade. Mesmo que peça chorando e diga que sem nós vamos esquecê-la, ainda que venha a saudade. Eu não troco uma paixão por uma amizade pura e verdadeira. Tudo que troquei com ela foi amor sincero. Entreguei meu coração sem pensar em nada. Eu pensava que era feliz, mas um dia então descobri que o nosso mundo era apenas um jogo para ela. Lembro as palavras doces que ela me falava, que eu era sua paixão, o homem perfeito. Mas agora sei que era mentira tudo que o seu Eu te amo, Portugal. Jorge Pereira. Clube do batidão tem que ser arrojado e aguentar a pressão. Epa! Quem quer entrar para o clube do batidão tem que ser arrojado e aguentar a pressão. Quem quer entrar para o clube do batidão fazer a faixa e fugir da confusão. Se chover lá bem a molha, nós não fugimos da raia. Se o sol estiver rachando, vai um mergulho na praia. E se a casa cair, vamos logo para o bailão, para fazer um terremoto no som deste batidão. Só na pressão, só na pressão, só na pressão vai bombeando o coração. Tem muito amor, muita paixão. Só na pressão no clube do batidão. Só na pressão, só na pressão, só na pressão vai bombeando o coração. Tem muito amor, muita paixão. Só na pressão no clube do batidão. Aguentar a pressão. Quem quer entrar para o clube do batidão tem que fazer a festa e fugir da confusão. Se chover lá vem a molha, nós não fugimos da raia. Se o sol estiver rachando, vai um mergulho na praia. E se a casa cair, vamos logo para o bailão, para fazer um terremoto ao som deste batidão. Só na pressão, só na pressão, só na pressão vai bombeando o coração. Tem muito amor, muita paixão. Só na pressão no clube do batidão. Só na pressão, só na pressão, só na pressão vai bombeando o coração. Tem muito amor, muita paixão. Só na pressão no clube do batidão. Isso! Só na pressão, só na pressão, só na pressão vai bombeando o coração. Tem muito amor, muita paixão. Só na pressão no clube do batidão. Jorge. Hã? Fala comigo. Bora, Thiagão. Assim, ó. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Só agora, Thiagão. É tu, Jorge, vá. Bora, Dona Maria. Segura, Tubiá. Me desculpa vir aqui desse jeito. Me perdoa o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Oh, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um presente no céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Vai, Jorge! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Aê!

estendo o meu cheiro e deixo-me adormecer. Se eu soubesse, se eu soubesse que morrendo tu me havias a chorar por uma lágrima, por uma lágrima tua. E alegria Lágrima, Diane Agile sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Il sera dans un petit quart d'heure avec moi. C'est le jeune Théo qui a participé à The Voice 4 et qui a fait un petit single en hommage à Grégory Lemarchal, SOS d'un terrien en détresse. On va l'écouter, c'est maintenant. SOS d'un terrien en détresse, Théo, qui sera en face de moi dans une bonne poignée de minutes. Voilà, on parlera de son actualité et puis de son expérience à The Voice. Ça sera dans une bonne poignée de minutes. En attendant, on va écouter Joaquin Sen qui va nous interpréter Querida Mãe, et Eu Te Agradeço. Eu tô bem, tu tá bem, todo mundo aqui tá bem. Deixa eu ver como é que tá tudo. un long métrage. C'est elle qui nettoie mes armes et c'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. L'artiste est Carolina Mafiosa sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On va poursuivre avec Marie Elijbo, Stop. Elle sera avec Radio Arc-en-Ciel le samedi 9 novembre à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Blanc, à la salle Montition. Donc c'est le 9 novembre, notez-le sur vos agendas. Marie Elijbo, c'est maintenant et c'est Stop. Marie Elijbo sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Stop. On va poursuivre avec Robert Lial Arbita et on discute de la part de Madame Pinto para o seu filho, Filipe Pinto, esposa. Não esquecendo os filhos, a Manuela, a Elizabeth e os netinhos com muitos beijinhos. Robert Lial Arbita.

saxibom. Ai que te gaita cantar e os seus cacinhos de bombar. Si saxibom. É concertina a tocar, o povo todo a dançar. Si saxibom. Vai que da gaita cantar, o sol está sempre a bombar. Se saxe bom. A concertina a tocar e o povo todo a dançar. Se saxe bom. Vai que da gaita cantar, o sol está sempre a bombar. Se saxe bom. A concertina a tocar e o povo todo a dançar. Se saxe bom. Vai que da gaita cantar e o som está sempre a bombar. Se saxe bom. A concertina a tocar e o povo todo a dançar. Se saxe bom. Vai que da gaita cantar e o som está sempre a bombar. Se saxe bom. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Je meurs. Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien. Théo, SOS d'un terrien en détresse. Un hommage à Grégory Le Marchal, trop tôt disparu. Et Théo, j'ai le plaisir de le recevoir ce matin sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour Théo. Bonjour. Alors, hop, on va monter un peu le son. Voilà. Théo, tu es venu donc ce matin ici à Radio Arc-en-Ciel. On va parler un peu de cette chanson. Mmh. Et surtout, on va parler de toi. Ça va, pas trop de stress? Non, ça va, ça va. Ça va. Donc Théo, tu as 17 ans. 17 ans. Ça va, pour l'instant, je dis pas de bêtises. Un passionné de la chanson. Bah ouais, c'est ça. Et donc ça arrivé à quel âge? Ça a commencé? Alors ça a commencé très très tôt. Je devais avoir 8-9 ans et c'était à la musique d'Éléonie d'ailleurs. C'était une sorte d'organisation où je chantais à l'école et toutes les semaines j'avais des petits cours en grand comité et je sais pas, ça m'a plu et depuis j'ai pas arrêté quoi. Et donc il y a ensuite cette étape The Voice Kid 4. Comment on arrive à un moment donné à se dire bah tiens, je vais y aller à la télé, parce que faut en avoir pour y aller. Ouais, c'est vrai. Et les étapes, est-ce que tu peux nous expliquer les différentes étapes? Bah déjà je devais me faire une expérience avant de monter sur une aussi grande scène, parce que je vous dis, j'ai jamais eu autant de stress que derrière le rideau à The Voice. Mais j'ai fait plusieurs concours avant déjà, j'ai dû en faire 3-4. Et déjà, donc ça forge une expérience, ça nous montre ce que c'est d'être devant un public quand même. Les concours sur la région? Ouais, sur la région, je suis allé à Lisieux, je suis allé un peu partout, d'ailleurs je vous en parlais de Lisieux après. Et donc ça nous aide à nous donner une sorte d'idée de ce que va être The Voice, mais ça atteint jamais la vraie expérience quoi. C'est tellement enrichissant, mais... Et donc alors du coup l'expérience de Lisieux c'est... Alors en fait c'était un concours que j'ai fait... j'avais 12-13 ans. Et là, le concours, il repart le 26 octobre. Et par contre, il est situé à... À Lourdes. À Lourdes, c'est ça. Et donc, en fait, je suis invité en tant qu'ancien gagnant. Et je vais faire un petit concert d'une demi-heure avec d'autres personnes qui ont été invitées comme moi. Et il y aura le concours qui continue. Et qui va recommencer en fait, voilà. Et donc, c'est une fois que tu as participé à ce concours que tu es parti après justement. C'était le dernier concours auquel j'ai participé. D'accord. Et ensuite, je me suis entraîné chez moi. Mais après, c'est compliqué parce qu'à mon âge, à cet âge-là, au tout début de The Voice, j'ai commencé à muer. Et c'est tellement frustrant pour un garçon de muer. C'est, on dirait pas, enfin, on peut se faire une idée, mais c'est tellement compliqué le matin de se réveiller et que ça sorte pas. Et donc là, je suis content parce que je commence vraiment à m'affirmer. Mais c'est une évolution en fait. Et à The Voice, c'était le début. Donc c'est peut-être que ça m'a porté préjudice ou pas. Mais ça m'a aidé à me faire comprendre que c'était une très belle expérience malgré tout ce qui s'est passé. Même si j'ai pas gagné non plus, c'est pas plus important de gagner parce que j'ai fait plein de choses derrière. Mais non, je suis content. C'est pas forcément ceux qui gagnent qui après réussissent entre nous, parce que y en a plein qui ont pas gagné et finalement qui ont des belles carrières, et c'est ce que je te souhaite d'ailleurs. Alors est-ce que tu peux nous raconter cette étape, les castings, etc. D'accord. Pour participer à The Voice, parce que nous on connaît pas cette partie là. Ouais. Comment ça se passe, la rencontre avec Nikos, avec voilà, est-ce qu'il est aussi sympa quand tu le rencontres personnellement qu'à la télé? Mmh. Voilà. Alors déjà à The Voice c'est soit on peut se faire contacter ou alors on peut envoyer un mail et on est jugé sur une certaine vidéo de chansons au total et après on est convié à aller dans un studio musical à Paris où ils font passer tout le monde et au fur et à mesure des mois et des semaines, en fait c'est sur une très longue période, ils éliminent au fur et à mesure les candidats sur plusieurs studios et au final on vous envoie une lettre comme quoi vous êtes ou vous n'êtes pas pris à la dernière étape. C'est pour ça que c'est assez compliqué de faire The Voice parce que on toutes les deux semaines on doit aller à un nouveau studio, rechanter les deux mêmes chansons et au fur et à mesure à chaque fois un public différent. Alors, au début c'est les personnes de TF1, après c'est les casteurs de The Voice, tout ça, à chaque fois c'est différent et ils valident ou pas et au final quand j'ai reçu ma lettre, qu'est-ce que j'étais content. La première réaction c'est quoi quand tu reçois la lettre? J'ai sauté. Je me souviens, même qu'ils l'ont passé à la télé, ma réaction, parce que je me souviens, j'avais le bras cassé en plus parce que la toute première fois que je allais passer mon audition pour The Voice à Paris, le matin à 8h, je me suis cassé un morceau du poignet. En gros, je me rappelle de la vidéo, j'étais dans mon salon Et ma mère, elle me fait viens faire une vidéo pour mamie. Elle me pose là et là, elle me montre la lettre comme quoi j'étais pris à The Voice. Je suis tombé par terre et je même pleurais. Mais... Et la partie après qui ouais. Quand tu arrives sur la plateau. Alors, télé. Après on est convié à aller à Paris donc au studio et c'est là qu'on tourne tous les plans, tous les petits passages. Mm-hmm. On dit bonjour, je m'appelle, nanana, ou dans le couloir on marche, tout ça. On tourne tout ça et ensuite on fait tous les plans et après on est convié un soir. Ça se fait sur 2-3 soirs les auditions à l'aveugle et on passe les uns après les autres et après ça passe ou ça passe pas, mais c'est comme ça quoi. Une fois cette étape passée, donc tu as rencontré effectivement Nikos, Karine Ferry, sympa ou pas? Ouais, je me rappelle de Nikos, c'était tout début, c'était l'après-midi de mon audition à l'aveugle. On était tous réunis dans une salle et là il y a Nikos qui arrive tranquillement, les mains dans les poches. Il nous fait bravo, vous avez réussi à arriver jusqu'ici, c'est déjà énorme. Et il nous a motivés. Et c'était vraiment. J'ai vraiment beaucoup aimé Nikos, il est très bienveillant. Et donc. Karine Ferry aussi. Ouais. J'ai juste avant. Enfin, vous savez, on lui parle juste avant de monter sur scène. Et j'avais passé un bon moment aussi avec elle, on avait beaucoup rigolé. Tout n'est pas passé à la télé d'ailleurs, mais parce que c'était très long. Mais non, c'est vraiment des gens bien. Au niveau du stress, différent d'un spectacle que tu peux faire sur un festival ou c'est totalement différent parce que on sait déjà qu'on est enregistré, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et je me souviens quand j'étais derrière, vous savez, le grand rideau juste avant de rentrer, j'ai regardé 10 fois à mon micro. J'avais trop peur qu'il soit pas allumé. Et là, on a tous les petits cadrans qui deviennent verts. Ça s'ouvre. On rentre, on va sur la petite croix qu'ils nous ont dit et là ça commence. Et on se dit après pourvu que les jurys se retournent. On voit leurs pieds bouger et là et on a peur. Mais de toute façon on n'a pas le temps de penser. Au début je me suis dit faut que je pense à ça. On n'a pas le temps de penser, ça va tellement vite. On voit les gens du public qui nous regardent, c'est quand même un gros stress. Mais au bout des 30 premières secondes, il part tout seul le stress parce que on se dit qu'on doit tout donner et malgré il se passera ce qui se passera. Okay. Alors après j'ai lu en tout cas que tu avais eu l'honneur de rencontrer un grand monsieur de la chanson française, monsieur Serge Lama. Enfin tu l'as eu au téléphone, c'est oui, ça? Je l'ai eu au téléphone et après je suis allé à un de ses concerts à Tours pendant les vacances d'avril 2018. Et oui, je l'ai rencontré dans sa loge après. Et il m'a donné beaucoup de conseils. Il est aussi très bienveillant. Il m'a beaucoup rappelé que c'est jamais certifié la chanson. Faut toujours avoir quelque chose derrière ou être prêt à rebondir au cas où. Moi, j'ai pas encore lancé, à proprement dit, ma carrière, mais j'essaye de faire des choses pour l'instant. Mais je sais que je continue mes études. Je suis en terminale. Donc je vais aller dans une école supérieure en même temps de ça. Et au pire du pire, si ça fonctionne, je mettrai de côté, mais sans l'oublier, parce que je sais que c'est extrêmement important et on me le rappelle tous les jours. Et ça fait quoi d'avoir ce monsieur-là qui t'appelle, qui dit bonjour, je suis Serge Lama Même pour moi qui n'ai pas connu son ascension, mm-hmm. Parce que je suis encore très jeune, mes parents ils m'ont fait quand même beaucoup écouter. Et c'est quand même impressionnant parce qu'on se dit tout ce que ce monsieur il a fait. Pourtant on le voit devant nous, il est même plus petit que moi. Mais c'est une tellement grande personne qu'on ne fait que l'écouter et on prend tout ce qu'il nous dit. On fait même pas de tri, hein, tu prends vraiment tout. et on le remercie quoi. En plus, il m'a gardé assez longtemps au téléphone, plus d'une demi-heure. Et j'étais tellement heureux. Il m'avait dit en plus qu'il m'avait vu. Et c'était juste incroyable en fait, j'arrivais pas à parler. Je faisais oui. Donc après vient ce single donc SOS d'un terrien en détresse. Comment ça s'est arrivé en fait, ce single? Déjà je voulais me faire une expérience studio parce que je savais que si j'arrivais à trouver des bons compositeurs pour me faire des chansons et qu'on travaille ensemble, je voulais pas arriver en studio et être déstabilisé. Je voulais quand même avoir un peu les pieds sur terre et savoir ce que je veux faire. Et donc j'avais déjà été en studio auparavant, mais là je voulais aussi faire un titre qui me tienne à cœur, histoire de faire quelque chose de propre, histoire de pouvoir le réécouter et le partager à mes concerts et et que les gens puissent aussi le télécharger sur les plateformes. Et là, je me suis rappelé que j'aimais beaucoup Grégory Le Marchal. Et que, bon, en même temps, je cherche encore mon style musical. Donc, je touche un petit peu à tout en ce moment. Et ça m'a beaucoup plu et j'ai beaucoup accroché avec ce titre. Donc, on l'a remasterisé. Et d'ailleurs, la personne qui a fait l'arrangement de ce titre, c'est Jean-Claude. Non, comment il s'appelle ? C'est Jean-Claude ? Jean-Claude Quien ? Ah oui, excusez-moi. Jean-Claude Quien. Compositeur de Mylène Farmer sur la chanson Libertine. Et donc, déjà, quand j'ai su qu'il voulait bien me refaire mon titre, j'étais vraiment heureux. Et quand je l'écoutais, bah, j'ai directement accroché parce que c'est quand même une rythmique un peu plus péchue. Donc, c'est pas un endroit où on se pose, où on montre nos émotions et tout ça. C'est un peu accrocheur. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé faire ce titre. Ouais, parce que là, il y a une voix, on va écouter. Ah, merci, c'est gentil. Moi je kiffe, hein, j'adore. Hein. Ah, c'est gentil. J'adore. Donc, un single qui est sorti à combien d'exemplaires ? Bah, en fait, j'ai pas voulu non plus. D'accord. Il est pas dans les supermarchés ou tout ça, mais il est sur toutes les plateformes de streaming. Ok. Il est sur Spotify, Deezer, tout ce que vous voulez. Et pour l'instant, c'était juste ça. C'était même histoire de faire beaucoup de CD propres afin de le vendre à la fin de mes concerts, parce que c'est là où on peut avoir une certaine discussion avec les gens qui nous demandent comment ça se passe, même les jeunes qui veulent commencer The Voice, tout ça. Et non, c'était surtout pour avoir un truc aussi en main propre, histoire de montrer que je continue à faire des choses et que je vais bientôt repartir. Alors, je vois sur ta biographie, bon, quand même, monsieur, tu as fait les premières parties d'Hélène Segarra, pas rien quand même, de Kinvey. Comment ça se passe, c'est eux qui te contactent, comment, parce que je sais que tu es très bien entouré, hein, entre les parents, les grands-parents, je sais que tu es très bien entouré. Est-ce que c'est justement la famille qui va au devant ou c'est César des différents Alors, artistes en fait, qui te contactent? Pour Hélène Segarra, j'ai fait un concert en 2018 à Courchevel-Verny pour la fête du pain. Et l'année dernière, il y avait eu une autre artiste qui était Céline Angel. Et cette année, ils avaient prévu de prendre Hélène Segarra. Et moi, ils m'ont repris dans le concert. Donc, d'accord. J'étais heureux. Quand même. Tu m'étonnes. Et donc non, c'était un très bon moment aussi. Et on a parlé un petit peu. Pareil, c'est vraiment les mêmes conseils que Serge Lama. Et j'ai encore repris et c'était un très très très bon moment. Et c'est des personnes avec qui tu restes en contact ou pas du tout, c'est juste Hélène, c'est un peu compliqué quand même parce que je vais pas mais bonjour, est-ce que tu veux bien me prêter ton numéro ça. Je sais qu'on se reverra sûrement. J'essaie vraiment de voir un maximum de personnes, pas forcément créer des liens forts ni rien, parce que je suis pas encore sûr de ce que je veux faire. Ça se trouve je vais faire quelque chose de totalement différent, bon, je pense pas non plus. Mais j'essaie vraiment de rencontrer un maximum de personnes et j'avance et voilà. Tu as fait donc la première partie également de Kinvey. Pareil, c'était. Alors moi, Kinvey, c'est différent parce que j'ai fait un concert et c'était un invité spécial. On savait vraiment pas qui c'était. Et donc là, je commence à chanter avec le public. On chante, on s'amuse, et d'un seul coup, dès que je finis, invité spécial, il y a Kinvey qui monte derrière moi. Donc c'était impressionnant, donc je suis quand même descendu, parce que j'étais quand même content. Et à la fin, on a parlé un petit peu, il m'a expliqué lui des petits trucs à lui. Et voilà, on a discuté, c'était toujours un très bon moment. Donc je sais que tu tournes un peu sur la région puisque tes grands-parents ont un carpodium, hein, je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais. D'accord, voilà. Donc en fin de compte, tu alors c'est pareil, le carpodium, il est aménagé pour toi, comment ça alors, s'est produit? C'est incroyable. Parce que tu as des grands-parents extraordinaires, hein. Ouais, c'est vrai. Autant le dire très honnêtement. Ça a été fait spécialement alors, pour Ouais, c'est ça. Alors en fait, c'était début janvier 2018, je crois. Donc en même temps, je me réveille. Et là, il y a mon grand-père, je vais au bureau. Et là, il me dit, avec le avec un petit bungalow là-bas derrière, tout gris. On va faire une scène avec ça. Il était parti dans son idée, on va faire une scène. Au fur et à mesure, il a fait venir l'électricien pour poser des prises et tout. Et au fur et à mesure, tout se construit. Et en plus d'un an et demi, bah là, on a quelque chose vraiment de propre avec lequel on peut aller n'importe où en France, même plus loin s'il faut aller en Belgique ou n'importe où. Et c'est vraiment une aide pour moi parce que ça me fait quand même quelque chose en plus. Ça me fait encore aussi des expériences sur les différentes villes où je vais. Et d'ailleurs, vous pouvez suivre sur la page Facebook The Podium. Il y a des photos, vous pouvez voir au cas où vous voulez contacter pour tout ce qui est mariage, soirée privée, festival même. Donc on est totalement équipé en son et lumière. Et donc mon grand-père, au début, j'y croyais pas. Quand il me fait, on va faire une scène avec ça. Et au fur et à mesure, il a même acheté un camion américain pour tracter la scène. Et ouais, c'était là même, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant quand même, de ses propres mains. Je sais pas si. Ah oui, non, mais c'est. Enfin, moi j'ai eu l'occasion de le voir, donc. Oui, ça c'est impressionnant. Moi, la première fois que j'ai vu, j'ai dit waouh, c'est top, c'est pour ça, tu as des grands-parents extraordinaires. on pourra te voir le 7 décembre. Avec l'accordéoniste Stéphanie lors d'une soirée Téléthon à Saint-Jean-de-Bray. Ouais, pour le Téléthon, on s'est placé à Saint-Jean-de-Bray et on va faire un concert et on va passer un bon moment avec les gens histoire qu'ils s'amusent un petit peu et d'essayer de récolter un maximum d'argent. Et tu as après plusieurs animations qui sont prévues avec le podium dit jusqu'à la fin décembre pour les fêtes de Noël et courant de l'année prochaine. Donc là, d'ici fin décembre, on peut te retrouver à quel endroit ? Bah, pour l'instant, on n'a encore vraiment rien de prévu jusqu'à fin décembre. Mais vous savez, ça tombe tous les jours. Hein. Mm-hmm. Et il suffit d'un appel et il suffit d'une prestation qui est prévue et on est parti pour une date. Mais avec le podium ça va, on fait des concerts et moi je m'entraîne tous les jours et on essaie de travailler tous les jours afin de pouvoir faire tous les concerts et là on attend peut-être un concert entre les deux, mais pour l'instant c'est fin décembre le prochain qui est prévu, donc on va bien préparer ça et après plein de dates encore même en août. Mais je peux pas encore trop en dire. Tu as raison. Au niveau de la chanson, donc on a bien compris que tu poursuivais tes études. Oui. Tu continues alors je sais pas si c'est bon terme, à t'entraîner vocalement, à en tout cas travailler ta voix. Ça représente combien d'heures? Ça représente sur une journée? Alors j'ai jamais été comme certains disent, enfin comme certains font aussi pointilleux avec ma voix. Moi, je chante déjà quand j'en ai envie, parce que quand on en a envie, et ben c'est là qu'on s'entraîne le plus. Mais de toute façon, on a toujours envie de chanter quand on aime ça. Mais moi, je chante sur quand même une, quand je m'y mets sur une longue durée. J'essaye de trouver souvent des nouvelles chansons. Et c'est pour ça que je touche encore à tout. Je peux faire de la pop américaine comme de la variété française encore aujourd'hui. J'ai chanté du Léo Ferré, même depuis que je suis petit, j'ai chanté du Léo Ferré. Je chante du The Weeknd, même du Miley Cyrus, de tout le monde en fait. Et on s'entraîne tous les jours et on essaie de trouver de nouvelles choses, de découvrir sa voix aussi. Parce que là, les aigus, je suis en train de les travailler, mais c'est compliqué pour un garçon. Mais là, ça va, je commence à me stabiliser, donc j'essaie d'avancer un maximum. Et le style de Théo, c'est quoi? Le style musical, Théo? Ben, pour l'instant, je dirais qu'on peut se référer à ce titre-là, à ce cover. Mais j'aimerais bien quand même avoir quelque chose d'un peu plus péchu et qui aussi entraîne les gens, même si j'aime beaucoup tout ce qui est le côté émotionnel. C'est vrai que ce côté émotionnel, je travaille quand même depuis que je suis petit. Mais je pense quand même si j'arrive à faire un album avec des personnes qui m'aident à le faire, parce que moi niveau musique je suis pas le meilleur. mais oui, je vais essayer de toucher vraiment à tout pour pouvoir faire un album qui est aussi intergénérationnel, que tout le monde puisse l'écouter et qui réunit aussi tout certains styles de chansons, parce que j'ai pas envie de me référer à un seul, parce que je pense qu'on a besoin de toucher un peu tout le monde et que ce soit un peu le plus éclectique possible aussi. Tu as participé à The Voice 4. Est-ce que d'autres émissions télé dans le même genre, tu pourrais y participer? Alors, je pense par exemple à La France a un incroyable talent, entre autres. Ouais, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je sais que dans grand maximum 2 ans, je me serais relancé dans une certaine aventure afin de vraiment essayer de me lancer, parce que j'ai quand même la chance d'avoir les moyens avec le Carpodium, avec toutes les personnes qui m'entourent. J'ai quand même un petit peu plus de chance que les autres, donc j'aimerais bien, en essayant de me relancer, faire pour qu'il y ait une accroche avec quelqu'un ou quelque chose et essayer de me lancer, quoi. Le regard des amis, des copains, ça se passe comment? Vous savez, au début, c'est jamais très très facile parce que tout de suite, c'est le petit garçon qui a fait The Voice. Voilà, mais je suis très très fier de ce que j'ai fait parce que c'est même pour les petits enfants, c'est extrêmement compliqué The Voice. C'est quand même une grosse pression. Toutes les interviews, c'est on dirait pas, mais c'est épuisant à savoir bien répondre du tac au tac aux gens. Ils ont pas le temps là-bas, on enchaîne. Mais je suis quand même très très fier de ce que j'ai fait, même s'il y en a qui peuvent critiquer. Bah déjà, faites-le. Même pas, j'ai aucune haine contre eux. Mais... Et la notoriété, comme ça, quand on a participé à une émission quand même sur TF1, la première chaîne de France, on revient dans le Loiret et on se balade dans la rue, ça se passe comment? Alors les 2-3 premiers mois grand max, parce qu'on est quand même beaucoup à avoir fait The Voice, donc on n'a pas une grosse notoriété pour une seule personne. Et après non plus, The Voice Kids n'a pas l'aussi gros impact qu'à The Voice. Mais j'étais impressionné quand même. Même une fois, je suis sorti du lycée, je suis allé manger un panini comme tous les jeudis. Et là, je vois des groupes de filles, de gars qui viennent me voir. Hey, t'as pas fait The Voice? Blablabla. Et on parle ensemble. Et des fois, il y en a qui sont même intéressés, qui me demandent comment j'ai fait, que je raconte comme ce que je suis en train de faire là. Et c'est touchant parce qu'on voit quand même qu'ils nous suivent. Et ils me parlent d'eux, on se parle ensemble. Et j'ai même des contacts de gens que je connaissais pas avant et avec qui je parle encore aujourd'hui. Et voilà quoi, c'est vrai que c'est perturbant au début parce que tout le monde nous dit attention, faut pas prendre le melon ni rien, faut rester les pieds sur terre parce que t'as fait The Voice, que t'es Céline Dion. Mais non, ça fait vraiment du bien de savoir que des gens nous suivent. Théo, entre nous, sur un plan drague, ça aide? Faut dire, je sais pas, vous avez vu ma tête quand j'ai fait The Voice. Non, mais je parle de maintenant. Ouais. Non, mais j'ai pu recevoir quelques messages, j'avoue. Mais non, faut pas tout dire, il y a les parents qui écoutent. Non, ouais, c'est ça. c'était bien. Et donc le soutien familial est très important, je suppose, du début jusqu'à la fin de cette aventure-là. Comment tes proches l'ont vécu, t'ont soutenu lors des passages à la télé? Comment ça se passe? J'espère qu'ils étaient fiers de moi quand même. Ouais, j'ai ma grand-mère à côté qui dit oui. Elle est mienne. Et c'est extrêmement important d'avoir des gens à nos côtés parce que ça nous permet de pas nous perdre. Ça nous rappelle toujours d'où on vient et ils nous rappellent tous les jours qui on est, ce qu'on a fait dans ce qu'on a fait avant, ce qu'on pourra faire après. Ça nous soutient, ça nous pousse. Et je trouve que c'est extrêmement important d'avoir des gens à nos côtés. Tes futurs projets, donc, du coup? Mes futurs projets, pour l'instant, je vais essayer de commencer mon album. Toutes les dates qui sont en préparation, je peux rien encore dire, en août, en juillet, tout ça, mais je vais le dire plus tard. Ça reste entre nous, tu peux en parler. Je te dis que non, c'est non. Donc oui, alors tes futurs projets finalement, là pour la suite. Mes futurs projets, c'est l'album, c'est l'écriture, la voix encore, la préparation du concert que je vais faire sur plusieurs dates. Et voilà quoi, c'est la continuité du podium pour l'instant jusqu'à ce que je me dise que je sois prêt et que je retente une aventure. En parallèle, tu continueras tes études? Toujours. Tu te destines à quoi? Pour l'instant, je suis en terminale ES et je vais sûrement aller sur une école à Paris de direction artistique. Et enfin, déjà, on va essayer de passer le concours. Non, je vais tout faire pour y aller. Et j'essayais quand même de me diriger un petit peu dans cette voie. Et au pire du pire, continuer avec The Podium, continuer avec, avec l'école. Et peut-être qu'un jour, j'arriverai à joindre les deux. Bon, en tout cas, je tenais à te remercier d'être passé ce matin. Merci à vous. Voilà, parce que c'est très intéressant de connaître ton parcours. Tu es quelqu'un de super sympathique. Merci beaucoup. Ton entourage, très sympathique aussi. Hein. Donc, je vais te souhaiter le meilleur du meilleur. Beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Et puis, ne change surtout pas. Voilà, merci, tu es beaucoup. Quelqu'un d'extraordinaire, ne change pas. Voilà. En tout cas, bah écoute, à très bientôt. Donc je rappelle qu'on peut te retrouver sur le Téléthon. Je suis en train de chercher la date. Donc le 7 décembre à Saint-Jean-de-Bray. Ça sera à quel endroit, Saint-Jean-de-Bray? Mamie. Près de la salle des fêtes. Mamie, c'est où? À la salle des fêtes. Mamie, c'est mon manager. Voilà, ben, je vois ça. Donc à la salle des fêtes, donc de Saint-Jean-de-Bray. Donc c'est une soirée pour le Téléthon et ce sera donc tu seras avec l'accordéoniste Stéphanie. Voilà. En tout cas, bonne continuation. Merci de ton passage à Radio Arc-en-Ciel. Et puis bah tu reviens quand tu veux. C'est très gentil. Voilà, on va se quitter avec ta chanson et à très bientôt, Théo. Et surtout, encore une fois, ne change rien, reste comme merci. Tu es. Au revoir. Au revoir. Voilà, Théo sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, SOS d'un terrien en détresse. Et Théo, donc, vous retrouverez à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Bray le 7 décembre avec l'accordéoniste Stéphanie à l'occasion de la soirée Téléthon. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle? Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es pas plus loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la ramener.

beijo na boca é bom, é bom demais. Mas o gostoso é o resto que a gente faz. Beijo na boca é bom demais. Depois do primeiro beijo eu quero isso, eu quero mais. Beijo na boca é bom demais. Mas o gostoso é o resto que a gente faz. Beijo na boca é bom demais. Depois do primeiro beijo eu quero isso, eu quero mais. Ela me beija, me abraça, me assanha. Toda a vez que ela me apanha eu escorro de suor. Parece praga, doença da mulher louca. Depois de um beijo na boca só sabe fazer amor. Beijo na boca é bom demais. Faço gostoso ao resto que a gente faz. Beijo na boca é bom demais. Depois do primeiro beijo eu quero isso, eu quero mais. Beijo na boca é bom demais. Mas o gostoso é o resto que a gente faz. Beijo na boca é bom demais. Depois do primeiro beijo eu quero isso, eu quero mais. Beijo na boca é bom demais. Mas o gostoso é o resto que a gente faz. Beijo na boca é bom demais. Depois do primeiro beijo eu quero isso, eu quero mais. A gente grita, a gente deita, a gente rola. Toda vez que se namora em cima do meu colchão. É tanto beijo que eu até perdi a conta. Toda vez que ela me apalha quase morro de paixão. Beijo na boca é bom demais. Mas o gostoso é o resto que a gente faz. Beijo na boca é bom demais. Depois do primeiro beijo eu quero isso, eu quero mais. Beijo na boca é bom demais. Mas o gostoso é o resto que a gente faz. Beijo na boca é bom demais. Depois do primeiro beijo eu quero isso, eu quero mais. Beijo. Beijo na boca. Bandalouse sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On va reprendre les dédicaces dans quelques instants. Et il y en a 10h47. Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi. C'est sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et on va faire un petit tour du côté des petites annonces. Sachez qu'il y a une entreprise qui recherche un maçon avec un peu d'expérience. C'est un salaire motivant qui vous est proposé. Une personne recherche un emploi en tant que cuisinier. Il est libre de suite. Et puis une entreprise recherche un plaquiste. Et toujours dans les offres d'emploi, eh bien sachez qu'il y a un restaurant qui recherche une serveuse en CDI avec de l'expérience pour intégrer une équipe dynamique. C'est un poste à pourvoir immédiatement. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez de l'expérience dans la restauration, vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, souriante, eh bien voilà, nous avons ce qu'il vous faut. Donc un restaurant recherche une serveuse en CDI donc avec expérience, souriante, pour intégrer une équipe dynamique. Voilà, si une de ces petites annonces vous intéresse, 02 38 43 48 00 et je me ferai un plaisir de vous donner les coordonnées hors antenne. Et nous allons poursuivre avec Maître Gims et Vianney, la même. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, on prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains.

Elena Correia, Vamos Gozar a Vida sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Heures 55 et nous allons poursuivre avec Jorge Freire. Jorge Freire qui va nous interpréter Tiroliro a Minha Maneira. Et je vais dédier cette chanson à mon poteau Florent Amigo, qui enregistre toutes nos émissions et puis qui les met ensuite à disposition. Vous pouvez aller sur sa page Facebook, vous tapotez Florent Amigo et vous retrouvez la totalité des émissions de Radio Arc-en-Ciel, dont celle de Vermatin. Voilà, donc merci à toi mon Florent, plein de gros bisous. Et puis cette chanson est pour toi, Jorge Freire, Tiroliro a Minha Maneira. Lá em cima está o tiroliro-liro, cá embaixo está o tiroliro-lo. Lá em cima está o tiroliro-liro, cá embaixo está o tiroliro-lo. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidó. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidó. Este nosso tiro limpo, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro limpo, gosto de ter um pernilhado e calheira que o cavaco fica lá com a madeira. Ei, ei. Este nosso tiro limpo, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro limpo, gosto de ter um canhaco, brincadeira que o cavaco fica lá com a madeira. Deste nosso tiro limpo, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro limpo, gosto de ter um canhaco, brincadeira que o cavaco fica lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tiro limpo, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro limpo, gosto de ter um canhaco, brincadeira que o cavaco fica lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tiro limpo, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro limpo, gosto de ter um canhaco, brincadeira que o cavaco fica lá com a madeira. Je...

ne fais pas qu'elle. E parei o carro mesmo à beirinha do mar. Com o ar da praia o desejo deu a aposta. Eu fiquei louco e ela de biquinho à mostra. Mas de repente surgiu o guarda-costeiro, que logo disse que pouca vergonha é esta. Eu levantei-me então do banco traseiro, pedi por tudo para não estragar a festa. Ó senhor guarda, não é de mal, o que está vendo não é só o senhor guarda, veja lá bem, nós somos noivos, olha o olho que ela tem. Ó senhor guarda, não leva mal, nós até estamos a casamento marcado. Ó senhor guarda, veja lá bem, vamos casar a 20 do mês que vem. Que era verdade, o senhor guarda disse com autoridade: sejam felizes que para mim está tudo bem. Eu fiz o mesmo quando era noivo também. E assim ficámos ela e eu a tarde inteira. Mas este caso não nos saiu da memória. Quando casarmos, disse eu na brincadeira, vai ser tão lindo recordarmos esta história. Ó senhor guarda, não é de mal, o que está vendo não é só o tal e tal. Ó senhor guarda, veja lá bem, nós somos noivos, olha o olho que ela tem. Ó senhor guarda, não leva mal, nós até estamos a casamento marcado. Ó senhor guarda, veja lá bem, vamos casar a 20 do mês que vem. Não é de mal, o que está vendo não é só o tal e tal. Ó senhor guarda, veja lá bem, nós somos noivos, olha o olho que ela tem. Ó senhor guarda, não é de mal, nós até estamos a casamento marcado. Ó senhor guarda, veja lá bem, vamos casar a 20 do mês que vem. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Aïe, aïe, aïe, aïe, que vontade que me dá de me agarrar a ti e fazer o tcha-tcha. Aïe, aïe, aïe, aïe, que vontade que me dá de me agarrar a ti e fazer o tcha-tcha-tcha. Sexta-feira dou comigo mesmo em frente ao espelho. Quero ser o mais charmoso, é tudo que um homem quer. Tomo um banho de perfume da cabeça até aos pés. Ou até de madrugada e eu só penso em mulher. Escolho sempre o melhor fato para uma noite de prazer. Sapatinho à maneira tem que ser é condizente. Direitinho à discoteca já nada me vai parar. Quero ter tudo de ti toda a noite a bombar. Ai, ai, ai, ai, que vontade que me dá de me agarrar a ti e fazer o tcha-tcha-tcha. Ai, ai, ai, ai, que vontade que me dá de me agarrar a ti e fazer o tcha-tcha-tcha. Amor comigo e esta noite eu vou te ensinar. Chama-lhe a marrabenta, é uma dança que vais gostar. Vem para o meu lado agora, aí tu vais ver como é tão bom. E bem agarradinhos, vamos dançando a curtir o som. Mexe o teu corpinho, oh ah, oh ei, que esta noite nós vamos enlouquecer. Marrabenta, oh ei, marrabenta, oh ah, um saltinho a direita e a cintura abanar. Arrabenta o vento, arrabenta o ar. Mão atrás da cabeça, vamos recomeçar. Olhar, e logo me envolvi em teus beijos ao luar. Agora o que é que faço? Pois não te quero perder. Estou quase a enlouquecer. Eu morro de desejo para te poder beijar. Este amor de uma cama só me está a alucinar. Agora o que é que faço? Noite e dia penso em ti. Contigo eu quero ser feliz. Eu estou louco para te amar. Não posso mais esconder. Estou louco para te dar. Uma noite de prazer. A minha gata quando vê um carapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. A minha gata quando vê um carapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. A minha gata é uma atrevida, só quer meu colo se tem comida. Ai, a minha gata é exigente, lambe-se toda com o meu peixe. Ai, rola na mesa e rola no chão, adora dourada de fora salmão. Se vê uma sarda até fica sem ar, quer logo abocanhar. Esfreguei meu corpo, ressentia-se como um rabalo ou um meio-guia. Fica sem asa e come demais, ai vai-se lambuzar. A minha gata quando vê um carapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. A minha gata quando vê um carapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Fernando Correia Mac sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On va poursuivre avec Tony Carrera et son fils David Cio Sobes. Et c'est demandé de la part de Rosie pour sa belle amie Manuela, sans oublier l'animateur, avec de gros bisous. Merci Rosie. Puis on va écouter David Carrera et son fils, et son père, pardon, Tony Carrera, Cio Sobes. Quantas vezes encontrei no fundo dos teus olhos a luz para o meu caminho? Quantas vezes achei no cantinho do teu ombro aquele ombro amigo, um lugar para chorar e sorrir, meu abrigo em qualquer um dos meus caminhos. Sorte minha para ser contigo, sorte minha nunca estar sozinho. Ai, se eu soubesse fazer o tempo parar, e se eu pudesse a vida toda te abraçar. Teu coração sei que para mim está sempre aberto, nas incertezas teu amor é sempre certo. Tantas vezes que olhei sentindo orgulho em ti, sei nunca te dizer. E quantas vezes nem sei, as vezes que me vejo em mim quando te estou a ver. Meu lugar para chorar e sorrir, meu abrigo em qualquer um dos meus caminhos. Sorte minha para seres comigo, sorte minha seres meu filho. Ai, se eu soubesse fazer o tempo parar, e se eu pudesse a vida toda te abraçar. Teu coração sei que para mim está sempre aberto, nas

joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Et on va poursuivre avec la belle et charmante Sonia, Aïe Portugal. Traga-me

sogra sem parar. Dá-lhe, dá-lhe. Muito carinho, nós nada, nós nada. Se não tiverem sempre, sempre juizinho, nós nada, nós nada. Se não trouxerem para casa o dinheirinho, nós nada, nós nada. Se não nos derem com calor o seu beijinho, nós nada, nós nada. Chamar queridas, se depois às escondidas tem outra para se entreter. Eles têm que entender, o passado não volta mais. As mulheres não são escravas, não querem pagar as favas, os direitos são iguais. Se não nos derem muito amor, muito carinho, nós nada, nós nada. Se não tiverem sempre, sempre juizinho, nós nada. Trouxerem para casa o dinheirinho, nós nada, nós nada. Se não nos derem com calor o seu beijinho, nós nada, nós nada. Tiverem sempre, sempre juizinho, nós nada, nós nada. Se não trouxerem para casa o dinheirinho, nós nada, nós nada. Se não nos derem com calor o seu beijinho, nós nada, nós nada. Bombocas, prima das mulheres. À 11h58, il va être temps pour moi de vous laisser cet après-midi. Vous allez retrouver Cocktail Coloré avec Michel, ensuite After Work avec Frankie, Balcon d'Espagne, One The Rock, et puis de 21h30 à 23h30, la rédac du sport avec Rémi. Demain matin, dès 9h, vous allez retrouver Musique Voss avec Laurenço. Mercredi, de 9h à midi, Portugal en Fest avec Victor. De jeudi, de 9h à midi, Voss de Portugal avec Arjemiro. Vendredi 9h midi, Finsman à Porte avec Laurenço à nouveau. Et puis au programme du week-end, Portugal no Coração avec Christine, Lusitane à Pachão avec Carla, Portugal Mix avec Victor, ça c'est pour le samedi. Et pour le dimanche, Qatar Dougal avec Antonio et Mathieu, et le téléphone sonne avec Katia, Jérôme, Lionel et Alex. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts, je vous embrasse bien fort. Et à la semaine prochaine, je vous laisse avec les infos du Portugal dans une poignée de secondes. Voilà, allez, bonne journée et puis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye, bisous. Arc-en-ciel, il est 11h au Portugal, midi en France. Bon appétit.